Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Je suis Luc Desormeaux et encore une fois cette semaine, je suis avec mon collègue et mon ami Marc Bouchard. Salut Marc! Salut jeune homme! T'es aperçu, j'ai pas dit monsieur cette semaine parce que la semaine passée oui, ça t'avait insulté. T'as-tu remarqué comment j'ai fait un gros soupir aussi? Je trouvais que ta présentation manquait un peu d'enthousiasme cette semaine. Ben non, tu le sais que... Ben là, c'est vrai que j'ai passé presque une journée et demie avec toi. C'est peut-être pour ça que je suis moins enthousiaste cette semaine. On s'est déjà parlé. D'habitude, on se parle pas. Puis là, on s'est parlé, on s'est vu, on a mangé ensemble, on s'est promené en voiture ensemble, ce qui est plutôt rare. Oui, monsieur. Mais, et ouais. On a même fait autre chose ensemble. Mais ça, on va garder ça pour après la première pause. Oui, un petit peu plus tard. Donc, Marc, je veux juste commencer par remercier l'AVEC là, qui est venu à notre événement à Saint-Zotique pour le lancement des bornes de recharge. J'avoue qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui sont venus, même si j'ai eu la chance d'expliquer un peu la nouvelle Leaf 2018, là, les fonctions et tout ça à plusieurs personnes, même à faire un tour de voiture à un couple qui regardait ça là, pour changer leur Nissan Sentra qu'ils ont présentement, puis qui regardait ça peut-être comme prochaine voiture. T'sais, les gens sont intéressés, les gens sont venus voir les voitures. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on avait les trois modèles de Tesla sur place. Donc, il y a quelqu'un qui a reçu sa Tesla Model 3 juste la semaine d'avant, là, au courant de la semaine, puis qui est venu avec à Saint-Zotique. Donc, on a pris une photo sur la plage avec le Model X, le Model S et le Model 3. Et les gens de l'AVEC trouvaient ça bien drôle d'appeler que c'était notre premier Sex on the Beach parce que le Model 3 était supposé s'appeler le Model E jusqu'à temps que Tesla, que Ford dise à Tesla, c'est parce que le Model E, ça nous appartient, les petits gars. Fait qu'il a fallu qu'ils changent ça pour le Model 3. Un 3 qui est un E à l'envers, ça ressemble beaucoup. Donc, c'est notre premier Sex on the Beach. C'était vraiment bien de voir ces trois voitures-là sur place. Malheureusement, on a fait une entrevue, puis là, c'est vraiment, je pense que c'est comme la foudre qui tombe sur Tesla là, à chaque fois qu'elle peut, parce que moi et Martin, on était là, Martin Archambault qui vient faire des chroniques de voitures électriques ici, et qui est pour l'AVEC, qui était là sur place, et puis on a tous les deux enregistré la même entrevue avec le propriétaire de la Tesla, puis on voulait lui demander, tu sais, ah, comment ça s'est passé le processus d'achat, puis comment tu as passé ta commande et tout ça. Puis là, il nous a tout expliqué comment il est allé sur le site, comment est-ce qu'il avait choisi certaines options pour les sièges à l'intérieur. Il avait pas pris les sièges de base, il avait pris des sièges un peu plus confortables et tout ça, comme quoi qu'il y avait juste le modèle avec la grosse batterie disponible au Canada présentement. Donc, le modèle à 45 000 $ de base, on oublie ça, là. Ça se commande pas présentement. Puis comme quoi qu'il avait payé près de 75 000 pour sa Tesla 3, qui au départ est un modèle qui est moins cher que ça. Donc, on avait une super belle entrevue avec lui. Malheureusement, quand est venu le temps de terminer l'entrevue, mon téléphone a gelé. Mais l'application sur mon téléphone a gelé, ça l'a jamais sauvé le fichier. Et puis Martin, il a enregistré lui, avec son iPhone 10. Et puis... c'est un problème à Apple. Puis, quand il a enregistré la deuxième entrevue, celle qu'on va vous faire écouter dans une minute, là, avec le maire de Saint-Zotique, ben ça l'a enregistré par-dessus l'entrevue qu'on avait fait avec le propriétaire de la Tesla 3. Ce qui est vraiment pas logique parce que normalement, quand tu commences un autre enregistrement, soit que ça continue après ou soit que ça rouvre un deuxième fichier. Mais j'ai vraiment, Martin m'a envoyé son fichier, j'ai essayé de faire le montage, puis j'entends vraiment le début de l'entrevue avec le propriétaire de la Tesla 3. Puis après ça, ben c'est l'entrevue du maire qui embarque par-dessus. Donc, on n'était pas dû. Donc, c'est dommage. Bon. Vous n'aurez pas l'entrevue avec le propriétaire de la Tesla 3, mais il a commandé en ligne. Son auto a coûté environ 75 000 $. Il avait un budget qu'il ne voulait pas dépasser. Donc, il a gardé certaines choses de base. Il a changé d'autres choses. Très belle voiture. On a eu la chance de faire le tour un peu. Malheureusement, je ne l'ai pas conduite et je ne me suis pas assis dedans non plus. Mais on a fait le tour. C'est une belle voiture. Pour le reste, qualité de finition et tout ça, je ne sais pas. J'ai pas eu la chance de voir vraiment à l'intérieur. On était un petit peu occupé. Mais ça a été une belle journée. Dame Nature était avec nous. Là, il faisait super beau. Donc, ça a été très bien. Bon, enfin, tu as tes bornes. Ben oui, il y a deux bornes à la plage. Si jamais vous venez à la plage, je sais que c'est pas tout le monde, mais ils sont complètement du côté ouest, à l'extrémité ouest de la plage. Donc, quand vous allez rentrer par la place principale, vous avez juste à demander... juste à dire que vous voulez brancher vos voitures, puis ils vont vous indiquer où aller. C'est vraiment à l'extrémité ouest de la plage, proche de ce qu'ils appellent le chalet, qui est les bureaux de l'administration de la plage. C'est dans ce coin-là. Donc, il y a deux bornes. Et les bornes sont gratuites. Donc, c'est bien. Ça ne vous coûtera rien pour vous recharger. Puis pendant ce temps-là, vous allez pouvoir vous baigner à la magnifique plage de Saint-Zotique. C'est vraiment beau. J'y vais de temps en temps, même si je reste là. Tu sais, des fois, on dit cordonnier mal chaussé. Là. Je reste sur place. Pourtant, on va à la plage comme une ou deux fois par année quand on pourrait y aller tout le temps. Là. Puis on en a profité pour aller faire un petit peu de pédalo cette journée-là et montrer à mon fils que c'était pas facile faire du pédalo sur une rivière où il y a un peu de courant puis où il y a des vagues et tout ça. Là. C'était un peu du sport. Ça a été de l'exercice. Ouais, si je te vois en speedo, je chevais d'abord, c'est sûr. Ouais, c'est drôle parce que dans l'entrevue avec le propriétaire de la Testo 3, Martin a fait la joke du... Et puis, il était venu en speedo, puis j'ai dit à Martin, « Eh oui, c'est pour ça que je fais juste de la radio, mais, mais malheureusement, vous ne l'entendrez pas, cette blague-là. » Et non, je n'étais pas en speedo, mais j'étais en short, par exemple. Ben, pantacourt, là, short aux genoux, mais c'est ça. Donc, on va tout de suite, Marc, aller avec l'entrevue qu'on a fait avec le maire de Saint-Zotique, qui est Yvon Chiasson. Puis après ça, on va revenir tout de suite. On va parler des nouvelles bornes de recharge pour stations de recharge pour voitures à hydrogène. Alors, on est présentement en compagnie de Yvon Chiasson, qui est le maire ici à Saint-Zotique. Bonjour, M. Chiasson. Hey, bonjour, M. Archambault. L'inauguration des bornes à la plage, c'est pas les premières bornes à Saint-Zotique, mais c'est des bornes qui sont installées dans un lieu public, donc un endroit qui attire du tourisme. C'est une bonne idée, ça, c'est de vous? C'est une très bonne idée. Non, ça dépend d'un citoyen de Saint-Zotique qui est Luc Deschambault. Écoutez, Desormeaux, j'étais en train de le débaptiser en plus, pourtant. Mais ouais, Luc était tenace, puis il nous a dit, écoutez, il y a ça plusieurs années, ça sera le fun, Saint-Zotique, on a nos bornes électriques. Franchement, ça serait un bon exemple à donner, puis on est content. Il nous a pas lâché, puis on est venu à un résultat. On a quand même rendu à 4 bornes pour la municipalité, dont 2 à la plage et 2 à l'hôtel de ville. Puis on a 2 autres au métro Fordham dans la municipalité de Saint-Zotique. Donc, les gens qui passent dans notre municipalité... vont trouver un endroit pour charger leur voiture. Ben, écoutez, je le disais tantôt quand on a fait la conférence de presse pour le lancement, le fait d'installer des bornes dans un endroit public comme ici, c'est génial parce que les gens viennent passer la journée, donc stationnent leur voiture fera rien pendant plusieurs heures, donc on la recharge, on a du plaisir à la plage, puis quand on repart en fin de journée, notre voiture est pleine, donc ça va forcément vous amener du tourisme de l'extérieur, du tourisme de gens qui ont des véhicules électriques qui n'auraient pas pu venir sans ça. Est-ce que ça fait partie des réflexions que vous avez, c'est-à-dire le fait d'avoir des bornes va vous attirer des gens qui vont venir visiter votre ville? Écoutez, oui, ça fait partie de notre idée, mais quand même, la plage Saint-Zotique attire près de 100 000 personnes. Mais on savait qu'il y avait une demande quand même. Fait que donc, on se dit, si on met un plus à la plage avec 2 nouvelles bornes, on se dit que on va amener d'autres mondes. Nous, notre but, c'est de ne pas arrêter l'évolution. On se dit, on veut toujours avancer. Mais c'est une des actions pour amener le touriste à Saint-Zotique. Vous savez, vous avez ça dans votre cellulaire, ces gens-là qui ont des voitures électriques. Plage Saint-Zotique, il y a des bornes, les gens vont venir ici, les gens peuvent manger à la plage puis repartir, puis ça va être merveilleux. Excellent. Évidemment, c'est la ville qui a payé pour les bornes. Là, je comprends que c'est des bornes gratuites également, donc elles ne font pas partie d'aucun réseau. Les gens viennent ici, se branchent et il n'y a aucun frais qui va leur être chargé? Exactement. Les gens vont venir ici, ils vont pouvoir charger gratuitement. Ça faisait partie de notre plan de développement durable. C'est important qu'on fasse notre petit geste chaque municipalité. J'encourage les municipalités voisines à emboîter le pas, comme nous autres qui nous suivent. Si chaque municipalité a 2 bornes électriques, j'imagine qu'écoutez, les gens vont prendre le virage électrique. Puis finalement, c'est pas si cher que ça parce que mes taxes n'ont pas augmenté. Non, tout à fait. Je pense que c'est faisable de faire à moindre coût. Puis écoutez, quand des gens comme un commerce comme Métro, ils ne changent rien encore là. C'est un service qu'ils offrent à la population. Nous, on est contents. Oui, je pense qu'il est important de rappeler pour les gens qui nous écoutent de différentes municipalités, une borne de recharge, comme vous avez installée, c'est des bornes là, qu'on peut acheter pour la maison, des bornes résidentielles. Ne sont pas reliées à aucun réseau. Donc, il n'y a pas de frais particuliers outre l'achat de la borne, puis bon, un petit piédestal ou un poteau pour les poser. C'est des bornes qui vont coûter aux alentours de 1 000 la borne, là, à peu près. Puis après ça, à l'utilisation pour la ville, les frais d'électricité, recharger une voiture électrique, ça va, qui serait complètement vide, là, puis qu'on rechargerait au complet ici, ça va rouler entre quoi, peut-être 1,50 $ puis 3 $, tout dépendant des batteries de voiture. Les municipalités ne mettront pas les coffres là, de la ville en péril avec l'installation de ces bornes-là. Non, mais comme vous dites, le but pour nous, là, c'est d'attirer des gens à Saint-Zotique. C'est pas de faire des sous avec ça. Mais à travers ça, on donne un service aux citoyens, à mes citoyens, puis aussi aux citoyens qui viennent de l'extérieur. Tout à fait. Pour 2$, j'invite des gens, j'incite des gens à venir chez nous, merveilleux. Oui, puis les gens viennent sur le site, payent, vont dépenser, vont acheter de la nourriture, vont acheter des trucs dans la municipalité. Les retombées sont plus grandes c'est que les coûts. C'est en plein ça le principe. C'est des retombées économiques. Ils vont arrêter au dépanneur, vont arrêter ici et là, puis ils vont visiter, puis peut-être qu'ils vont venir s'établir, ils vont dire waouh, c'est beau, Saint-Zétique. On va venir acheter une maison en Saint-Zétique. Donc, c'est une pierre deux coups. Donc, on est content. Il ne faut pas oublier non plus, à chaque année, depuis quelques années, ZTélé fait un classement des plus belles plages au Québec. Puis on est toujours dans les 10 plus belles plages au Québec. Fait que les gens qui sont jamais venus ici, puis si vous avez une voiture électrique, c'est le temps de venir. Ouais. La seule chose qu'on va demander aux gens qui viennent avec des voitures électriques de faire ici, c'est si votre voiture est pleine, déplacez-la pour donner la chance à quelqu'un d'autre. Parce bien que sûr. C'est des bornes qui sont gratuites. Donc, il n'y a pas de. Vous ne recevrez pas d'alerte sur votre téléphone pour vous dire que votre session est terminée ou quelque chose comme ça. Donc, il va juste falloir être courtois puis venir déplacer votre voiture quand ça va être fini. Mais on vous donne la recharge gratuitement. C'est juste un petit service qu'on vous demanderait. Là. Mais pour le reste, moi, je suis très fier de la municipalité, de M. Chiasson, de Isabelle Dalcourt, qui est la personne qui est en charge de la plage aussi, qui s'est impliquée dans le dossier. De l'AVEC aussi, Martin, ta gang est ici aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment merveilleux, puis on a vraiment une belle journée. Tout à fait. Bien, M. Chiasson, merci beaucoup, puis j'espère que les autres villes vont faire comme vous. Bien, je l'espère moi aussi, puis écoutez, encore une fois, mais merci d'être venu à Saint-Zétique. Ça me fait plaisir, merci. Nous sommes de retour, et puis on va maintenant parler d'une annonce qui a été faite récemment. On a reçu tous les deux une invitation média pour aller voir ça. Malheureusement, ça tombait la même journée d'un autre essai qu'on est allé faire, un événement où on est allé tous les deux. Mais il y a eu l'annonce de bornes de recharge ou stations de recharge pour voitures à hydrogène, la première qui va être inaugurée bientôt. Là. Attention, une borne multicarburant. Okay. C'est important de le préciser parce qu'il n'y aura pas là que la borne à hydrogène. Il va y avoir là-bas deux bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques, une station d'essence traditionnelle qui va être opérée. En fait, c'est le groupe Arnois qui s'occupe de tout ça. Et le point tournant, c'est vraiment la station de recharge d'hydrogène. Mm-hmm. Et là, c'est particulier parce que c'est de l'hydrogène qui va être produit sur place. Okay. Donc, la façon dont c'est fait, c'est qu'on ne transporte pas l'hydrogène. La machine appartient à Hydrogenics, que ça s'appelle. Ça se fait par... Bon, c'est un système qui marche à l'électricité, bien sûr. Là. Une fois branché, on peut le faire avec des éoliennes ou avec de l'énergie solaire. Dans ce cas-là, je ne pense pas que ce soit ni l'un ni l'autre. C'est vraiment tout simplement les choses ordinaires en électricité. Mais l'hydrogène va être produit sur place à raison, je pense, de 200 kg par jour de possibilité. Okay. Jumelé à ça, le gouvernement du Québec a annoncé qu'ils avaient acheté 50 Toyota Mirai qui vont servir bien sûr, à faire des tests et aux différents ministères gouvernementaux. Okay. L'idée, en fait, c'est qu'on l'avait annoncé déjà l'année passée, il y a 2 ans. On veut faire des stations multicarburants pour tester, justement, les capacités des piles à combustible, des voitures à piles à combustible, de la distribution d'hydrogène et de ce partage-là de trucs. Okay. Ça coûte cher. 5,2 millions, on s'en cache pas. Le gouvernement du Québec donne 2,9 millions. Ça inclut l'achat des voitures, cependant. OK. Ouais. Donc, c'est 2,9 millions qui sont investis là-dedans. Et là, bien entendu, il y a plusieurs électromobilistes là, qui n'ont pas apprécié cette nouvelle-là en disant « Mon Dieu, c'est épouvantable. Imaginez le nombre de bornes de recharge rapide qu'on aurait pu avoir avec 2,9 millions. Hein? » Ouais. Faut peut-être se calmer un peu, par exemple, parce que les voitures électriques ont de plus en plus d'autonomie. Ça va aller en s'améliorant encore avec le temps. Donc, les bornes vont, selon la tendance, être de moins en moins une nécessité dans les prochaines années. Tu sais. Mais il n'y a pas que ça. Là. Moi, je pense que on va arrêter de dire que les voitures électriques, c'est la seule solution. Puis que, tu sais, moi, je parle du principe là, que, mettons, on va dire des chiffres en l'air, là, puis tenez-moi en pas rigueur si ce n'est pas hyper scientifique puis si ce n'est pas hyper précis, là. Je n'ai pas l'intention de me lancer là-dedans. Mais mettons qu'une voiture électrique utilise 100% de son énergie pour se mouvoir. Mm-hmm. Okay? C'est vrai, c'est bon, c'est bravo, tout le monde applaudit, puis on est tous contents. Une voiture à essence, c'est entre 35 et 40% que ça utilise de son énergie pour se mouvoir. Ouais. Et ça pollue. Ouais, ouais, ouais. Okay? Il y a beaucoup de pertes. Mais mettons qu'une voiture à hydrogène, ça en prend 75%. Puis que ça ne pollue pas, ça fait zéro émission. Ouais, ouais. Par contre, il faut se rappeler qu'une voiture à hydrogène, ça permet d'aller se faire une recharge rapidement, en quelques minutes à peine. Mm-hmm. Ça ne nécessite pas de contraintes particulières de conduite. Ça ne demande pas de changement d'habitude de la part des acheteurs. Fait que ça veut dire que normalement, l'intégration pour monsieur, madame, tout le monde est beaucoup plus facile. Ouais. Fait que si l'hydrogène permet de vendre 5 fois plus de voitures zéro émission, peut-être qu'on est gagnant par rapport à la voiture électrique, finalement, qui n'a jamais été capable de dépasser 1% du marché. Oui, c'est ce que je me dis toujours. J'aime autant que quelqu'un achète une voiture à hydrogène qu'il aille s'acheter une voiture à essence. Parce qu'au moins, on ne pollue pas. Je dis pas que c'est la perfection. La perfection, ça serait que tout le monde puisse avoir une voiture électrique avec 600 km d'autonomie qui se recharge à la maison puis que ça prend 5 minutes de te recharger quand tu es sur la route puis tu as besoin d'aller plus loin. Mais présentement, on n'est pas rendu là. Donc, non. Si l'hydrogène remplit un espèce de trou qui est béant présentement par la voiture électrique, ben j'aime autant ça que quelqu'un aille s'acheter une voiture à 100% essence qui pollue beaucoup plus. L'hydrogène, ça pollue pas. Peut-être dans la conception, peu importe à quelque part, mais la voiture électrique aussi, il y a une certaine forme de pollution qui se fait dans la création de la voiture, là. Mais un coup sur la route, si elle pollue pas, j'ai aucun problème avec ça. Puis je suis pro-voiture électrique, là. Mais à un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux, là. Ben, c'est qu'à un moment donné, là, il est temps qu'on sache justement c'est quoi la vérité. Puis là, on fait un projet pilote intéressant qui va nous permettre d'avoir 50 unités qui vont nous prouver si ça marche ou pas. C'est aussi simple que ça. Fait que moi, je pense que c'est un investissement extrêmement bien pensé. Il y en aura un autre dans la région de Montréal. Puis éventuellement, l'autre avantage, c'est qu'en ayant des bornes qui produisent leur propre hydrogène, tu n'as pas de transport d'hydrogène. C'est ça. Beaucoup de gens disaient « Ah, c'est dangereux de transporter ça dans des camions. » Non, tu n'en as pas, là. Ça se fait on the spot et ça finit là. Alors, je pense que c'est un très beau projet. Ouais. Ça va avoir lieu, je pense, sur le boulevard Charest ou le boulevard Amel, je ne me rappelle plus, à Québec. Ça va ouvrir avec le groupe Arnois. C'est la première. Il y en aura d'autres. Et pour moi, c'est vraiment un pas dans la bonne direction. En fait, le fantasme idéal, là, ça serait comme d'avoir une voiture hybride électrique-hydrogène qui permettrait d'avoir les zones urbaines en mode électrique, 100% électrique, et d'avoir les grandes routes, les autoroutes en mode hydrogène. Donc, à ce moment-là, tu n'as plus la contrainte. Ce serait parfait. Et je pense que là, on est dans un bon pas. Et je le répète, c'est plate ce que je dis, mais rappelez-vous que depuis des années, on essaie d'implanter des voitures électriques, puis on ne dépasse jamais 1%, malgré la hausse du coût de l'essence, malgré tout ce que vous voulez, malgré les lois zéro émission. Alors, il faut se rappeler que la voiture à pile à combustible, la voiture à hydrogène, qui est aussi une voiture électrique, by the way, hein, on oublie souvent de dire que le moteur qui propulse une voiture propulse aussi l'autre, là. C'est la même affaire. Oh oui. C'est le même moteur, là. Oh oui, c'est que la voiture à hydrogène traîne son propre générateur à électricité, là. C'est juste ça. Oui, mais tu sais, c'est le même moteur. Fait que la transformation n'est pas nécessairement si différente. En tout cas, bref, tout ça pour dire que moi, je trouve que c'est une bonne initiative, que je suis très content qu'enfin ça arrive. Ça devait se faire il y a 2 ou 3 ans. D'ailleurs, ça m'avait valu les foudres des électromobilistes il y a une couple d'années quand j'avais dit que dans 5 ans, on roulerait l'hydrogène au Québec et je m'étais fait tirer des roches parce que j'avais dit ça sur les ondes de Radio-Canada. Mais voyez, c'est juste que j'étais 2-3 ans d'avance parce qu'effectivement, ça arrive. Et j'espère que ça va permettre de mieux savoir où on s'en va avec cette technologie-là. C'est le but et j'espère que ça va bien fonctionner. Super, Marc. Donc, on fait une petite pause. Oui. Hein? Puis on revient avec quoi en revenant de la pause? En fait, on vous a promis une surprise qui va vous permettre d'apprécier toute la grandeur de notre talent. À Luc, moi et à nos collègues journalistes automobiles, on vous laisse écouter ça en revenant de la pause. J'ai eu mon premier vrai kick quelque part à Montréal. Je te dis que c'était presque tragique. nous sommes de retour. Et Marc, nous sommes pleins de talent. Avoue, non, mais il faut quand même avouer. Un, il faut apprécier la poésie des paroles. Hein? Et il faut aussi apprécier la justesse du chant. Bon, OK, on a des collègues journalistes qui se sont donnés un peu plus que d'autres. Oui, oui. Vous avez pu l'entendre. Clairement. Nous, on entend clairement ta voix, par exemple. C'est un peu troublant. En tout cas, ouais, bref, c'est un peu plate. Là. Moi qui essayais de passer un peu inaperçu, ça a comme pas fonctionné. Alors, on va juste raconter aux gens que c'est dans le cadre du lancement du Nissan Kicks qui se déroulait à Montréal. Le Nissan Kicks est vraiment placé sous le thème de la musique, de la fête et du Brésil. On va vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Mm-hmm. Mais pour souligner ça, Nissan nous a amené dans un studio d'enregistrement qui s'appelle Boulevard, qui est dans le Vieux-Montréal. Et... sur place, on avait un certain temps, une trentaine de minutes, pour écrire des paroles en groupe sur l'air de Summer of 69, comme vous l'avez entendu. Et par la suite, on avait 20 minutes pour aller l'enregistrer en studio. Nous, on l'a fait en français. Il y a un groupe qui l'a fait en anglais. Le lendemain, il y avait deux autres groupes qui refaisaient la même chose. Ouais. Bon, évidemment, c'est la nôtre qui est la meilleure. Hein? Ouais. Mais c'est parce qu'il faut que je le dise. On s'est fait interdire le sujet de la voiture. Tandis que le groupe anglais, ben... eux autres ont fait une chanson qui parle de voiture. Fait qu'un petit peu d'injustice là. Et aussi, si on écoute la chanson en anglais, qu'on vous fera pas écouter, là, mais si vous écoutez la chanson en anglais, ben, ils ont laissé certaines paroles telles quelles, tandis que nous, vu qu'on chante en français, fallait absolument tout traduire et tout réécrire. Fait qu'on n'a pas eu la tâche facile, là, quand même. Non, non. Puis écoute, on s'est ramassé. Le plus drôle, c'est qu'on a, tu sais, une gang de journalistes ensemble, pendant 25 minutes, on a jasé toutes sortes d'affaires et on a fait comme 4 lignes ouais. pour se rendre compte qu'il nous manquait 12 lignes à faire avec 10 minutes, moins de 10 minutes à faire. Ouais. Disons que ça s'est un petit peu précipité. Mais tout ça pour dire que ce que vous entendez là, évidemment, on attend toujours les contrats de disques et que, que c'est le fruit d'une expérience de nombreux journalistes. D'ailleurs, si vous voulez le réécouter, bien sûr, vous êtes les bienvenus à l'écouter ici. On va mettre le lien sur notre page Ça roule de YouTube ouais. parce que quand vous allez sur YouTube, vous allez avoir aussi le visuel avec les paroles écrites. Ouais, ouais. On vous demande de ne pas nous en tenir rigueur. C'est pas vraiment de la haute poésie. Personne d'entre nous a décidé de changer d'emploi. Hein? On a tous gardé notre emploi de jour, ouais, ouais. mais on s'est quand même bien amusé et ça a été très agréable comme soirée. Ceci étant dit, évidemment, tout ça tournait autour de la vraie vedette de l'événement, qui n'était ni toi ni moi, non, mais non. qui était bien le Nissan Kicks. Oui. Un petit véhicule qui est, ma foi, intéressant, même s'il a certains défauts incontournables. Oui, c'est pas parfait, mais c'est très bien, surtout la silhouette, je trouve. Alors, la silhouette, il faut le préciser, c'est le fruit d'un double design. Design entre le studio des États-Unis, de Californie, et le studio du Brésil. Mm-hmm. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on nous avait placé la fête un peu sous le thème du Brésil tout au long. Ouais. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a gardé les éléments traditionnels de Nissan, c'est-à-dire ce qu'on appelle les phares en boomerang, là, en avant, mm-hmm. une espèce de phare en crochet, la calandre en V, qui est maintenant traditionnelle de chez Nissan. Sauf que la particularité, c'est qu'on a vraiment créé une silhouette d'un petit multisegment. On va appeler ça comme ça parce que c'est pas un utilitaire. Là. Non, non, non. Un petit multisegment qui a l'air un peu pato. Il a l'air un peu... tu sais, il me fait penser à des petits chiens qui ont pas les pattes la bonne longueur pour marcher. Là. Ouais, OK. Ouais, les petits chiens plus longs, mais un petit peu comme bas sur pattes, mais ouais. Okay. C'est ça. Ouais. Ça donne un peu cette allure-là. Là. Un petit peu rondouillet, un petit peu, tu sais, pas... Et pourtant, bien sûr, il n'y a pas ce comportement-là, mais n'empêche que je trouve qu'au niveau de l'allure, il donne ça. Et on a créé quelque chose quand même d'intéressant, c'est la possibilité d'avoir un duo de couleurs. Oui, oui. On peut avoir la carrosserie d'une couleur et le toit, les rétroviseurs et les jantes aussi là, d'une autre couleur. Là. Les jantes aussi, on peut les modifier. Là. Effectivement. Ouais. Les couleurs sont particulières. La plus belle, et on était unanime là-dessus, c'est si vous prenez la voiture d'un gris foncé, une espèce de gris acier, mm-hmm. et que vous mettez le toit orange. C'est, je pense, celle qui est la plus belle, à mon avis, en tout cas. Oui, je suis d'accord, c'est la plus belle combinaison. Parmi les voitures qu'on avait, il y avait un bleu avec le toit blanc. Nous, on avait un rouge foncé avec le toit noir qui ressortait pas vraiment beaucoup du lot. Mais celui vraiment non. qu'on a tous remarqué, là, c'est le gris foncé, là, une espèce de gris titane avec le toit orange. Puis il y a le contraire aussi, un orange avec le toit gris titane, je pense, là. Mais ben, noir, en tout cas, le ouais. toit, là, ça, ouais. moi, celui que j'ai vu était noir. Ça, c'est moins beau, je dirais. Ouais. Là. Ouais. Mais vraiment, le gris avec le toit orange, c'est le plus beau. Vraiment magnifique. À l'intérieur aussi, il faut dire que le design, on a vraiment fait un bel effort. C'est beau, c'est bien fait. C'est bien assemblé. Évidemment, nous, on avait les versions les plus haut de gamme, on va se le dire. Ouais. Donc, siège de cuir, des belles coutures, une belle qualité d'assemblage. Un bel écran central aussi. Oui, un bel écran de 7 pouces, bien placé, bien positionné quand même. Et bel écran de 7 pouces, tu l'as dit, standard sur toutes les versions. Ouais. Alors que généralement, dans les versions de base, on se retrouve avec des tout petits écrans. Dans ce cas-ci, on a un grand écran qui est standard sur toutes les versions. Oui, c'est le même écran, c'est les fonctionnalités qui vont changer là, un peu. Là. Exactement. Et bon, bien sûr, les cadrans devant nous sont aussi intéressants, sont beaux, ça donne un beau look. On a vraiment joué la carte. T'sais, on vise une certaine catégorie de jeunes conducteurs et je pense qu'on a vraiment fait un design qui correspond à ça. Oui, c'est ça. Ouais. Faut mentionner aussi le Kicks va remplacer le Juke. Donc le en Juke fait, il ne le remplace plus. Pas. Ben, il ne remplace pas, mais le Juke ne se fera plus. Donc, ça va être le Kicks qui va, en théorie, prendre sa place. Là. Mais... C'est ça. Mais tu sais, je disais à la blague, on ne le remplace pas, mais le Juke meurt au moment où le Kicks arrive. C'est un bel addon. C'est ça. Admettons que ça coïncide pas pire. C'est ça. Mais ceci étant dit, après ça, ben, y a d'autres choses à l'intérieur qu'il faut mentionner. C'est si vous prenez les versions les plus haut de gamme, la qualité du système sonore. Oui. On a mis un système Bose avec des haut-parleurs partout. Et quand je dis partout, là, c'est qu'il y en a même dans l'appui-tête du conducteur. Mm-hmm. Un petit haut-parleur de chaque côté. Là, ça... La musique sortait quand même assez bien de ce système de son-là. Là. Oui, non, la musique sortait bien. Et assis dans le volant ou à la place du conducteur, vraiment, on entendait super bien. Le bémol, c'est quand on est assis ailleurs, c'est moins évident. Surtout quand on s'assoit en arrière. Un des défauts que l'on a tous noté, et nous, on était trois dans la voiture parce qu'on avait un caméraman avec nous, on a tous noté qu'à l'arrière, l'insonorisation, c'est un peu déficient. Ouais, beaucoup de bruit de caisse, beaucoup de bruit de roulement quand on est assis à l'arrière. Là. J'imagine que ça vient du coffre. C'est peut-être la partie du coffre qui est moins bien insonorisée parce que ça a l'air de venir de l'arrière complètement de la voiture. Là. Mais oui, en arrière, c'est un petit peu plus difficile côté bruit de roulement, bruit de caisse et des choses comme ça. Là. Ouais. Et ce que ça oblige, bien, ça oblige les occupants avant à parler plus fort pour nous parler en arrière. Ouais. Donc, honnêtement, ça, c'est la partie qui est un peu décevante. Mais c'est pas... On s'entend, là, ça ne m'a pas fait pleurer, là. C'est dans le sens où c'est correct pour un véhicule de cette nature-là. D'autant plus que, objectivement, on ne s'attend pas à ce que ce soit un véhicule familial. Donc, c'est un véhicule qui va essentiellement servir à deux passagers, occasionnellement à quatre, mais vraiment très occasionnellement. Alors, je ne pense pas qu'en soi, ce soit un gros, gros problème de cette nature-là. Non, mais ce qu'il faut mentionner, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de place en arrière. Là. On s'est tous assis à l'arrière, puis il n'y a pas personne qui avait nécessairement hâte de retourner à l'avant. Là. Le dégagement pour les jambes est assez incroyable pour la grandeur de la voiture. Là. J'ai l'impression que quand tu vas l'avoir pour une semaine, ton fiston ne sera pas nécessairement trop déçu d'être assis en arrière, parce qu'il y a beaucoup de place. Là. Écoute, moi, je me suis assis à l'arrière, et mon charmant caméraman m'a fait le plaisir d'essayer de reculer le banc le plus possible. Ouais. Et malgré ça, honnêtement, il a fallu que je constate qu'il faisait exprès parce que j'étais pas si malheureux. Oui, j'avais les genoux à côté, mais j'aurais fait une bonne distance puis ça m'aurait pas trop dérangé. Ouais. Donc, c'est vraiment impressionnant. On parle de 900 quelques litres quand on abaisse les banquettes. 900 quelques litres de surface de chargement, ce qui est quand même intéressant. Moi, ouais, puis 700 quelque chose là, si les sièges sont relevés en position normale. Ce qui est quand même très bien. Là. Le coffre est quand même assez grand. Puis Nissan nous l'a prouvé. Là. Il y avait des ballons, il y avait toutes sortes d'affaires là, dans l'intérieur du coffre, des Kicks qu'on est parti avec. Là. Quand on ouvrait le coffre, il y avait déjà pas mal de stock dedans. Puis c'était assez logeable. Là. Oui, totalement. Et ce qui est intéressant, c'est que faut rappeler que tout ça s'est construit sur la plateforme d'un petit véhicule, d'un très petit véhicule qui est celui de la Versanote. Mais Versanote aussi qui est impressionnante dans son espace arrière. Ben, la Versa en général a toujours été intéressante de cet aspect-là parce qu'elle a toujours offert beaucoup, beaucoup d'espace. Ouais. Mais là, vraiment, avec la plateforme, on a vraiment bien réussi. Mm-hmm. Évidemment, le bémol, le plus gros bémol, ben, c'est le moteur. Et là, on va diviser ça en deux sections. Mm-hmm. C'est un bémol si vous avez l'intention de faire beaucoup de grandes routes avec. Ou si vous voulez faire de la course en deux stops, c'est pas le bon choix. Non, parce qu'on parle d'un petit moteur 4 cylindres, 1.6 litres, 125 chevaux, 115 chevaux de couple. C'est pas spectaculaire. Jumelé à une CVT qui, elle, faut l'avouer, fait un bon travail. Oui, pas dérangeant du tout. Pas du tout, et je suis vraiment pas un fan, mais celle-là, vraiment, je me suis pas badré du fait que c'était une CVT. J'ai apprécié son confort, j'ai apprécié la façon dont elle réagit. Honnêtement, ça m'a pas trop dérangé. Ouais. Par contre, le moteur, ben, c'est sûr que si tu veux faire un 0-100, tu le mesures pas au chronomètre, là, tu le mesures au calendrier. Là. Ouais, ben, faut pas exagérer, là, mais c'est. Ouais. faut. Comme on disait des fois sur certaines voitures, faut peut-être se prendre un rendez-vous. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est pas fait pour ça, mais c'est vraiment un véhicule qui est un petit véhicule urbain. Les suspensions sont un peu sèches. On s'en est aperçu sur autoroute, d'ailleurs. Nous, on était vraiment dans la région de Sorel. Puis quand on a pris la 30 dans la région de Sorel, c'est un peu accidenté, même pas mal accidenté. Et honnêtement, je n'ai pas apprécié nécessairement plus que ça. Je trouvais que les suspensions étaient raides un peu. Par contre, en ville, évidemment, ça nous permet d'avoir un confort relatif. Et moi, j'ai trouvé la petite voiture extrêmement maniable et extrêmement intéressante. Ouais, sauf quand on est allé faire un tour dans le Vieux-Montréal sur les pavés de pierre. Là. Mais là, tu sais. C'était quelque chose. Ça brossait, oui. Ça brossait pas mal. Mais oui, mais c'est n'importe quelle voiture réagit plutôt mal dans cet environnement-là. Là. C'est vraiment extrême. Là. Mais, ouais, non, mais pour ça, le reste, je suis d'accord avec toi. Là. C'est un beau véhicule, puis c'est majoritairement confortable aussi. Ouais. Et autre élément qu'il ne faut pas négliger, c'est que c'est un véhicule qui n'est pas cher. Mais évidemment, on a laissé de côté des éléments, hein, on va le dire. Il n'y a pas de rouage intégral, même en option. Non. Ne le cherchez pas, il n'existe pas. Non. Il n'y a pas de système de navigation. Non plus. Mais il est entièrement compatible Apple CarPlay Android Auto. Ce qui enlève la nécessité d'avoir un GPS intégré qui, normalement, de toute façon, est jamais mis à jour après un certain temps. Fait que vous êtes aussi bien d'utiliser CarPlay ou Android Auto. Exactement. Sauf que, il y a Toyota qui a fait le même genre de stratégie avec son CHR, c'est-à-dire de ne pas avoir de système de navigation et de ne pas avoir de... traction intégrale. De traction intégrale. Sauf que chez Toyota, on n'était pas Apple CarPlay. Donc, au moins, il faut reconnaître à Nissan le fait qu'on est capable d'intégrer quelque chose qui va finalement aider et justement collaborer à rendre utile Apple CarPlay. Moi, je ne m'en sers pas beaucoup, Android Auto, Apple CarPlay, mais honnêtement, pour ce genre d'affaires-là, ça peut être fort intéressant. Ouais, il n'y a aussi pas de volant chauffant, mais il y a des sièges chauffants. Ça t'a profondément dérangé. Moi, là, c'est une option dont je ne me sers jamais. OK, mais moi, l'hiver beaucoup... Mais c'est pas nécessaire. Je trouve juste ça un peu dommage que même sur le modèle le plus haut de gamme, on l'ait pas. Mais je sais, pour le reste, oui, je peux comprendre que c'est une question de coût et tout ça, là, ou de disponibilité, ou peu importe. Là, c'est ça. Puis, ouais, puis tu sais, moi, comme je te dis, c'est une option dont je ne me sers absolument, absolument, absolument jamais. Fait que, tu sais, je ne l'ai même pas remarqué, pour être honnête. Là. C'est toi qui me l'as soulevé. Ouais. Fait que, ceci étant dit, ça fait quand même un ensemble fort intéressant. Oui, il y a des petits défauts, là, on s'entend, sonorisation, manque un peu de puissance, mais écoutez, c'est 17 998 de base. Oui, avec la climatisation, transmission automatique CVT, c'est quand même bien. Là. De base, c'est vraiment pas un véhicule qui est cher. Puis c'est un véhicule qui est quand même assez complet, là, à moins que vous vouliez avoir plein de technologies plus avancées. Là. Mais si vous voulez Apple CarPlay puis Android Auto, il faut aller au modèle de milieu SV. De gamme, le SV. Ouais. C'est ça, qui est le SV qui, lui, est à 21 000 quelque chose. En fait, le plus cher est à 22 978 ou à peu près. Ouais. 22 798 pour être précis, je viens de vérifier devant mes yeux. Le SV est à 20 898. Alors, évidemment, à ce moment-là, ben, parce que dès le départ, là, ce que vous avez, on vous l'a dit, l'écran de 7 pouces, vous avez un système intelligent de freinage d'urgence aussi, avec une prévention de collision. Donc, c'est pour moi... super intéressant. Parce que ça, c'est de série, là. Oui, c'est exactement ça. Fait que c'est le seul dans sa catégorie qui offre ça, donc c'est quand même super bien. Ouais. Trois ports USB, ça c'est toujours... On va arrêter de se battre pour charger nos cellulaires. Une clé intelligente, donc on est vraiment là-dedans. Le SV, bon, ben, ajoute évidemment la possibilité d'avoir les deux couleurs. Apple CarPlay, Android Auto, tu l'as dit. Il y a le nouveau, justement, l'écran 7 pouces qui là, est plus efficace. Des roues de 17 pouces aussi sur le SV, ce qui est quand même super bien. Et par la suite, ben, là, on tombe au SR, qui est le véhicule le plus équipé avec un moniteur, le moniteur 360, ce qu'on appelle le Around View Monitor, donc des caméras tout le tour. Vous avez le détecteur d'angle mort, vous avez le détecteur de trafic latéral arrière, vous avez un démarreur à distance. Bref, de son Bose dans l'appui-tête du conducteur. Exactement. Vous avez aussi ce qu'on appelle le Dynamic Control Module, donc un module de contrôle intelligent qui permet de modifier les affaires. Vous avez, bon, tu sais, là, un système de sécurité différent. Vous avez le Primatex qui est les sièges qui sont différents. Alors, vous avez pas mal de choses de différentes dans le SR, mais là, évidemment, on parle, comme je vous dis, d'un véhicule qui était 22 000 quelques cents dollars. Alors, dans l'ensemble, moi, c'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé, dont j'aime particulièrement le style. Oui. C'est le genre de petit véhicule qui m'intéresse pas mal si j'étais dans ce marché-là. Mais évidemment, il a ses limites. Et si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup d'autoroutes, peut-être que ça va être moins agréable. Mais si vous cherchez vraiment un petit véhicule urbain, un petit multisegment urbain cool, je pense que vous l'avez trouvé. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mon Dieu, hey, écrivez ça quelque part. Luc est parfaitement d'accord avec moi. Ben oui, hey, tabarnouche. Donc, Marc, on va faire, avant d'aller à la pause, on va faire jouer l'entrevue qu'on a fait avec Didier Marceau, qui est en charge des relations publiques pour Nissan Canada. Et puis ensuite, on va revenir avec nos essais de la semaine. Hey, j'ai eu peur que tu refasses jouer à la chanson. Non, non, je ne ferai pas ça à nos auditeurs quand même. Alors, on est avec Didier Marceau, qui est directeur des communications corporatives. C'est comme ça qu'on appelle ça? C'est comme ça. Pour Nissan Canada, au lancement du Kicks. Didier, c'est un petit véhicule. Pourquoi vous remplacez le Juke par le Kicks? Ben déjà, il ne remplace pas le Juke. Le Juke était en fin de vie. Et c'est une approche différente. C'est un petit crossover qui va venir se positionner en dessous du Qashqai et qui va nous permettre de satisfaire les besoins d'une clientèle qui cherche un produit un petit peu plus petit, moins cher, mais toujours attractif, bien équipé et qui offre une bonne performance et un agréable confort de conduite. On a eu l'occasion de conduire la voiture ce matin, on l'a testée, où effectivement, c'est une voiture agréable. Pas de rouage intégral, vous avez opté pour offrir un véhicule, un petit crossover, pas de rouage intégral. Effectivement, parce que de toute façon, on a toute la gamme. Si quelqu'un veut un rouage intégral, on l'a sur Qashqai, on l'a sur le Rogue, on l'a sur le Pathfinder. Mais si on veut se positionner avec un prix attractif, il faut faire un petit peu des sacrifices. Et par exemple, un chiffre intéressant, 40% de nos ventes de Qashqai sont en deux roues motrices. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin du rouage intégral et ne veulent pas payer le supplément que ça représente. Au Québec, vous avez la loi qui oblige les pneus hiver. Vous avez beaucoup de gens, si on prend la gamme Nissan, qui roulent en Micra, qui roulent en Versa, qui roulent en Sentra. Ils ont deux roues motrices et ils passent très bien l'hiver. Donc, pour certains cas, c'est une voiture urbaine. Ce n'est pas la voiture peut-être pour effectivement monter à Tadoussac tous les week-ends. Mais et ça permet de proposer un prix en dessous de 18 000 $ pour le modèle d'entrée qui est extrêmement attractif. On s'adresse à qui avec le Kicks? On s'adresse un petit peu à tout le monde, à des jeunes couples, à des jeunes qui veulent une voiture neuve, qui veulent la position haute qu'on a sur un crossover, qui veulent des équipements modernes, Apple CarPlay, le système Bose, le système de son Bose, ou des gens qui ont, c'est ce qu'on appelle les empty nesters. Quand les enfants ont quitté le foyer, on n'a plus besoin forcément d'une grande voiture. On vit en milieu urbain. On veut quelque chose de sympa, de fun pour aller d'un point A à un point B. Le Kick, c'est parfait. Je me posais une question. Pourquoi pas offrir dans la version la plus élevée un volant chauffant? Au Québec, on aime les volants chauffants. C'est une décision qui a été prise. Je pense que c'est un problème de disponibilité. Peut-être. Okay. Honnêtement, je n'en sais rien. OK. Et autre question. Oui. Il n'y a pas de pro-pilote assiste sur la voiture, alors que tout l'équipement pourrait être là aisément. Pourquoi vous avez choisi de ne pas opter pour ça? Parce que vous faites grand cas de ce ProPilot est pour le moment disponible sur la Leaf et sur le Rogue. Oui. Il va être prochainement sur le Qashqai, sur l'Altima. On va le déployer dans la gamme, tout au long de la gamme, laisser un petit peu de temps. Et puis on revient aussi toujours sur ces problèmes de prix, si on veut rester dans une gamme de prix attractive. Voyons de quoi le futur sera fait. Parfait, mais merci beaucoup, Didier. Nous sommes de retour. Et Marc, on va terminer l'émission de cette semaine avec des essais de la semaine. Normalement, là, on finit ça avec des nouvelles, mais là, on va y aller avec nos essais de la semaine. Tu vas nous parler. Là, c'est notre gala, c'est notre gala de la chanson qui nous a bouleversé un peu. Oui. Pendant la pause, la disque ne m'a pas appelé. Je comprends pas, mais bon. Donc, Marc, tu vas nous parler cette semaine de la Hyundai Sonata 2 litres turbo. Oui, un 4 cylindres de 245 chevaux, turbo compressé, évidemment. Je vous mets une boîte automatique 8 rapports. Un véhicule, honnêtement, que j'aime beaucoup. Un véhicule qui a subi quelques changements en 2018, évidemment. Moi, j'aime beaucoup la Hyundai Sonata depuis toujours. Je trouve que c'est une voiture qui est généralement bien équilibrée dans sa fonction. Le look est cute. L'intérieur est bien fait. Et chez Hyundai, depuis quelques années, on le sait, on l'a dit, on l'a répété et on va le répéter encore, on fait vraiment des efforts de qualité de finition. Ouais. On fournit vraiment un véhicule qui est bien équipé pour un prix tout à fait abordable et qui, sans être une exception à la conduite, est quand même super agréable à conduire. Ouais, c'est beaucoup amélioré depuis les dernières années. Oui, oui, oui. On n'est pas du tout dans le même monde, là. Je veux dire, on arrive dans quelque chose de très, très différent. Bien sûr, c'est pas je pourrais dire, c'est pas la plus sportive. C'est une voiture qui est correcte. C'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est une auto qui fait tout bien, littéralement. Ouais. Tu sais, c'est dur de trouver des défauts à cette voiture-là. Bien sûr, la 2 litres turbo, c'est la Hyundai, la Sonata Sport qu'elle s'appelle. On parle quand même d'un véhicule qui vaut 37 000 $. C'est donné, pas tout à fait. Je te dirais, là, c'est quand même un bon budget pour une voiture de cette taille-là. Mais c'est une auto qui est remplie de bonne volonté à tous les points de vue. Le moteur 245 chevaux, il est vraiment bien équilibré. Il est nerveux, il est le fun. La boîte automatique, elle est vive, elle est précise. La tenue de route, c'est solide. On sent vraiment que c'est une auto qui est vraiment faite pour être plaisante à conduire. Évidemment, c'est pas une Porsche, on s'entend. Il n'y a pas grand-chose qui est une Porsche, à part une Porsche. À part une Porsche, ouais. Bien sûr. Ouais. Et pas grand monde qui a les moyens de s'en payer une, donc on se rabat sur d'autres choses. Exactement. Mais ouais. Ce qui est aussi intéressant de ce véhicule-là, c'est qu'au-delà de la seule conduite qui a été beaucoup plus inspirée maintenant, on a aussi voulu créer un environnement qui est de plus en plus agréable et sophistiqué. Tu sais, tu as conduit des Hyundai récemment. Bon, oui. Le tableau de bord est joli, c'est bien fait, c'est bien assemblé. L'écran multimédia est super facile à utiliser. Mm-hmm. Des fois, bug un peu, ben pas bug, mais des fois, demande un peu de recherche là, sur la façon de fonctionner. Mais dans l'ensemble, il fait vraiment. C'est pas un véhicule qui traîne de la patte. Là. La version, par exemple, dans la version Sport, tu as un écran 8 pouces d'affichage. Bien sûr, connectivité Apple CarPlay, Android Auto. Les versions plus haut de gamme ont même la fonction Blue Link. Mm-hmm. Le Blue Link, ben là, ça te permet évidemment, avec un téléphone cellulaire et une application, de contrôler différents éléments à distance. Le seul bémol, en fait, de cette voiture-là, pour moi, ça a été mes sièges. OK. Parce que, à mon avis, ils n'offrent pas le support nécessaire et qui ne correspondent pas nécessairement à la personnalité de la voiture elle-même. T'sais, on veut lui donner un petit look sportif, on veut lui donner une petite allure un peu plus oomph, mais on a des sièges qui offrent un support très ordinaire, qui sont très durs, qui n'ont pas nécessairement... Pour moi, ça n'a pas été un problème. Mais mon épouse, qui a des plus grandes jambes et des plus jolies jambes que les miennes, trouvait, par exemple, que l'assise était un peu courte pour elle et que ça ne donnait pas le support nécessaire. OK. Donc, tu sais, ça, c'est pour moi un des principaux défauts. Mais tu sais, c'est parce que vraiment, il faut gratter, là. On s'entend. Le reste, ça va bien. On parle d'un 0-100, 7,1 secondes, quand même. On parle d'une berline qui est relativement une berline familiale, là. Bon, oui, oui. C'est pas une voiture de course, là. Non, non. Mais c'est quand même bien. Puis l'espace en arrière est amplement suffisant pour les besoins. Franchement, c'est une voiture qui, je te dirais, s'améliore d'année en année. Petit bémol, encore une fois, c'est qu'on n'achète pas, c'est aussi niaiseux ce que je vais dire, c'est que tu n'achètes pas une 2 litres turbo sport pour vraiment uniquement son comportement sportif. On a mis un mode sport dans la voiture qui fait que c'est un petit peu trop rigide à mon goût. Mais encore une fois, si ça ne fait pas l'affaire, ben je vais aller pour la Limited, qui, elle, est plus confortable et n'a pas cet élément un peu plus rigide-là. Donc, dans l'ensemble, c'est un châssis qui est d'une extrême fermeté. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la Sonata. Je l'aime aussi pour son look. Je l'ai dit, je le répète, j'aime la grille avant qu'on a rafraîchie un peu, qui est plus belle. J'aime les blocs optiques, j'aime la silhouette générale. Même si on est un peu proche de l'Elantra, je te dirais, en termes de look général, j'aime beaucoup quand même cette Sonata-là. Donc, pour moi, c'est une réussite, c'est une belle progression. C'est un véhicule qui a bien avancé et qui est vraiment un choix qu'il faut considérer. Sauf qu'on arrive dans une catégorie qui est extrêmement compétitive. Oui, c'est sûr. Tu sais, là, on se retrouve contre des Honda Accord, contre des Toyota Camry, contre la nouvelle Mazda 6, qui est une voiture absolument exceptionnelle. On se retrouve aussi contre la Ford Fusion, qui, elle, bon, souffre un peu de son âge. Mais quand même, on est probablement dans le créneau le plus compétitif du monde automobile actuel. Et évidemment, la Sonata a un chemin à parcourir qui n'est pas nécessairement facile, mais elle est quand même très, très agréable. Et c'est une voiture qu'il faut considérer, je pense, si on est dans le magasinage de ce type de véhicule-là. Alors, toi, Luc, évidemment, tu es allé dans quelque chose d'un peu plus impressionnant en termes de dimension. Là. Juste un petit peu plus gros, puis qui a probablement consommé un petit peu plus d'essence que ce que tu as conduit. Moi, j'étais au volant du Toyota Tundra 4x4 avec le gros moteur V8 de 5,7 litres. Je dois dire quelque chose, c'est vraiment pas mon type de véhicule. Je pense pas que personne a besoin de ça, à moins que tu travailles ou que tu tractes une roulotte. Là. Pour le reste, si tu as l'intention de t'acheter un camion juste pour avoir un camion parce que tu aimes ça, c'est peut-être pas le modèle avec le 5,7 litres que ça te prend. Personnellement, ça n'a pas été si pire que ça. J'ai réussi à avoir une consommation aux alentours de 14 litres au 100 km. Ça m'a coûté 75$ d'essence et il était à moitié du réservoir. Bon, donc, c'est presque rien, ça. C'est presque rien. On s'entend, par exemple, le réservoir est assez énorme là-dedans. Et puis, tu sais, comme je disais à ma femme, si tu vas avec ça en ville, ça boit à peu près autant qu'un touriste québécois à Cuba dans un tout inclus. C'est comme ça doit tinker sur quelque chose de rare. Mais moi, j'ai quand même été pas si pire, tu sais. Ah, c'est chiant, ça. Ouais, c'est à peu près ça pareil, là. J'imagine. Ben, écoute, excuse-moi, mais depuis le début de l'émission, là, j'ai l'image de toi en speedo, puis là, tu m'arrives avec ça. C'est comme, non, c'est trop d'informations, ça. Ouais, ben, je t'ai pas dit que j'étais en speedo quand j'allais dans un tout inclus. Je ne suis jamais en speedo. Mais bon, donc, mais côté véhicule, par exemple, c'est assez impressionnant. Là, je veux dire, le moteur est ultra puissant. Moi, j'ai vraiment rien tiré, mais c'est drôle, à chaque fois que je vais avoir un camion, je prévois ma fin de semaine un peu d'avance. Et puis, on avait un vieux gazebo en métal avec des poteaux de métal tout défaits, puis qui commençait à rouiller un peu. Puis, ça fait à peu près 2 ans qu'on se dit « Ouais, c'est sa dernière année. Hein. Ouais, c'est sa dernière année. » Bien, cette année, ça a été sa dernière année. Puis, je l'ai défait la semaine avant d'avoir le camion pour pouvoir aller porter le métal au recyclage. On a un centre de recyclage à Saint-Zotique, un centre de récupération où on peut aller jeter des choses plus grosses comme ça. Donc, j'ai tout mis ça dans le camion, puis je suis allé le porter au centre de recyclage. On a été capable de tout entrer ça dans la boîte à l'arrière, de transporter ça, et ça a super bien été, puis ça a été très pratique. Mais j'ai rien à tirer, j'ai pas de roulotte, j'ai pas de besoin pour un camion comme ça. Donc, c'est sûr qu'on l'essaie un peu comme on essaie n'importe quelle voiture. Donc, si, tu sais, est-ce que j'ai la facilité à tirer ma roulotte? Je sais pas, j'en ai pas. Mais pour aller du point A au point B, ça a été très bien. Puis c'est un des camions, je pense, qui a été le plus confortable. Tu le sais, Marc, quand on a ces véhicules-là, souvent la suspension, si tu le charges pas, si tu tractes rien, ça rebondit pas mal, puis c'est pas nécessairement toujours confortable. Non, c'est vrai. Le Tundra, je l'ai trouvé vraiment confortable. J'avais l'impression que je conduisais une voiture tellement que ça rebondissait pas partout, tellement que c'était très, très posé comme conduite. Fait que j'ai beaucoup apprécié la manière de conduire ce véhicule-là. Il y a beaucoup d'espace à l'arrière, les passagers, on n'a pas de problème. Mais là, il y a plusieurs options. Vous pouvez avoir une cabine double, une cabine qui appelle le Crew Max. Là, c'est plus gros. Là. Vous pouvez avoir des différentes tailles de cabine. C'est comme toutes les pick-up. Ouais, c'est ça. Tu as toujours 92 confirmations. Ouais, 92 déclinaisons, puis plus tu prends quelque chose de gros, plus ça monte en prix. Là. Mais moi, j'avais la cabine double, donc assez d'espace pour transporter mon fiston, puis des choses que je veux mettre en arrière, là, comme souvent mon sac de travail avec mon laptop dedans, puis mon sac à lunch, ça va très bien sur la banquette arrière. Un peu élevé, comme d'habitude, c'est un camion, c'est assez hauteur. Ben là, excuse-moi de te dire que si la banquette arrière d'un Tundra est passée grosse, ton sac à lunch, c'est peut-être ton sac à lunch le problème, mon homme. J'ai peut-être un trop gros lunch. Non, ça fitait très bien, même si c'était très petit sur le siège arrière. Mais c'est ça, un peu haut aussi, donc c'est pas illégal nécessairement aller dans le camion ni descendre du dit camion parce que c'est assez haut. Faut quand même prendre peut-être la poignée qui est à l'intérieur pour se donner un petit coup pour embarquer dedans. Ma femme m'a fait remarquer qu'il n'y a pas de poignée du côté du conducteur, seulement du côté du passager. Donc, c'est le conducteur s'arrange avec ses troubles et le passager, lui, a une belle petite poignée pour s'aider à embarquer dans le camion. Oui, mais généralement, ce qu'on fait comme conducteur, c'est qu'on utilise le volant pour nous aider. Là. Ça aussi. Ma sœur, qui fait 5 pieds, quand j'ai eu un véhicule de cette nature-là, était venue avec moi et elle avait amené son petit escabeau, là, tu sais. Mm-hmm. Deux marches. Là, pour pouvoir embarquer. Fait qu'elle rentrait ça dans le siège en arrière, puis bingo. Ah, c'est très bien, c'est une bonne petite idée. Mais donc, tu sais, si on l'achète, c'est une bonne idée peut-être d'acheter ça pour des enfants ou votre conjointe ou votre conjoint s'il est plus petit. T'sais. Mais sinon, ben, ça se fait quand même pas si pire. Mais tu sais, c'est bien. Il y a le système Toyota dedans. J'avais pas nécessairement toutes les commodités, pas de volant chauffant, des choses comme ça. il y avait quand même les sièges chauffants, ce qui était correct. Le bouton était placé un peu loin, par exemple. Faut comme le découvrir. Faut comme, tu te penches la tête, tu t'aperçois qu'il est en dessous de la console. T'sais. Un peu bien caché. Sur le coup, je me suis dit, ah, mais il n'y a pas de volant, il n'y a pas de siège chauffant dans le camion. Puis ça, ah ben oui, le bouton est caché là. Le système Toyota de divertissement qui est bien. Pas le meilleur, pas le pire. Mais un coup qu'on connaît un peu comment ça fonctionne, ça va quand même assez bien. Il y avait des systèmes d'avertissement aussi. Ils ont ça dans à peu près toutes les Toyota maintenant, les systèmes de détection de collision, des choses comme ça, qui appellent le Toyota Safety Sense, je pense qu'ils appellent. Il y avait certaines choses comme ça là-dedans, mais c'était pas tout équipé. Mais tu sais, en tant que tel, puis c'est un véhicule qui était très joli. Il était un bleu un peu foncé. Mais il y avait l'ensemble TRD, là, donc l'espèce de prise d'air sur le capot qui donne une allure agressive, des choses comme ça. T'avais-tu le TRD Pro? J'avais pas le TRD Pro. Il était pas. En tout cas, sur la feuille que Toyota m'a donnée, il était pas nommé TRD Pro. Mais il y avait un ensemble TRD dessus. Parce que normalement, l'ensemble TRD vient avec le TRD Pro qui est suspension en route. Ce qui expliquerait que peut-être ça a mieux absorbé certaines affaires. Ah, peut-être, mais comme je t'ai dit, quand j'ai eu la feuille qu'ils nous donnent, à chaque Toyota te donne toujours ce qui est l'équivalent de l'espèce de feuille qu'il y a dans la vitre du camion quand on va l'acheter. C'était pas marqué TRD Pro sur la feuille. Fait que j'ai pensé qu'il avait mis un ensemble de pour y donner l'allure d'un TRD Pro, mais il n'y avait pas de badge TRD Pro dessus. Là. J'ai eu le Tacoma TRD Pro, puis lui, il avait vraiment la petite enseigne marquée TRD Pro dessus. Lui, il ne l'avait pas. Donc, OK, ben probablement que ça ne l'était pas à ce moment-là. C'était peut-être juste un kit, tu sais, un ensemble d'apparence, là, plus que d'être un vrai TRD Pro. Là. Mais j'ai trouvé confortable. On parle d'un véhicule quand même dispendieux à aux alentours de 56 000 $ là. Donc, c'est pas un véhicule qui est donné. Mais si vous avez besoin de tirer quelque chose, je veux dire, ou si vraiment vous avez besoin de ça pour travailler, je pense que c'est un bon et un beau véhicule. Mais si c'est juste pour « Hey, j'ai un camion, puis je m'en sers pas pour rien », c'est peut-être pas le bon choix. Mais bon, ouais. Mais bon, en tant que tel, bon camion, j'ai quand même bien apprécié. Et ça va terminer notre émission pour cette semaine. Marc, si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ma méthode, mon Facebook, Marc Bouchard, bien sûr. Sinon, marcbouchard.ca, mon site blog, whatever. Peuvent me rejoindre sur Twitter aussi, Marc_Bouchard, ou sur Instagram, Bouchard_Marc. Et bien sûr, à info@saroulradio.com, qui est une adresse à laquelle Luc et moi avons accès. Oui, ça va être en plein ça. Moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est Ascalazormo. Sur Facebook, c'est Luc Desormo. Sur Instagram, c'est Desormo Luc. Et puis, vous pouvez nous trouver sur iTunes, sur Google Play et aussi sur le site saroulradio.com. Puis, vous pouvez nous écouter sur sportradio.ca et Radio Média Plus. Déjà, je demande pardon à tous les gens qui vont nous entendre à la radio cette fin de semaine avec notre magnifique chanson. J'espère qu'on ne brisera pas de haut-parleurs, de voitures ou rien comme ça. Parce que ça peut être... Mais on est ouvert aux autographes. S'il y en a qui veulent des autographes, on peut bien sûr leur en envoyer par la poste sur un album qu'on pourra éventuellement produire. Oui, mais je ne penserai pas. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette émission cette semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye.